vite en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Le père, mais tu me retardes. L'heure, c'est l'heure.